La baronne ne pouvait pas, ne savait pas servir sa blanche poitrine dans un magnifique plat de guipure, à l'instar de Madame Marneffe. Elle ignorait le secret de certaines attitudes, l'effet de certains regards. Enfin, elle n'avait pas sa botte secrète. La noble femme se serait bien retournée 100 fois, elle n'aurait rien su offrir à l'œil savant du libertin. Être une honnête et prude femme pour le monde, et se faire courtisane pour son mari, c'est être une femme de génie, et il y en a peu. Là est le secret des longs attachements, inexplicable pour les femmes qui sont déshéritées de ces doubles et magnifiques facultés. Supposez Madame Marneffe vertueuse. Vous avez la marquise de Pesquaire. Ces grandes et illustres femmes, ces belles Diane de Poitiers vertueuses, on les compte. La scène par laquelle commence cette sérieuse et terrible étude de mœurs parisiennes allait donc se reproduire avec cette singulière différence que les misères prophétisées par le capitaine de la milice bourgeoise y changeaient les rôles. Madame Hulot attendait Crevel dans les intentions qui le faisaient venir en souriant aux Parisiens du haut de son milord 3 ans auparavant. Enfin, chose étrange, la baronne était fidèle à elle-même, à son amour, en se livrant à la plus grossière des infidélités, celle que l'entraînement d'une passion ne justifie pas aux yeux de certains juges.